Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de baseball et de hockey avec notre ami Roger Bullitt. Salut Roger! Hey, bonjour Danny, ça va? Ça va bien. Roger, Canadien-Toronto, ça va commencer la semaine prochaine, jeudi. Comment tu vois ça? Mais moi, en début de saison, je favorisais justement Toronto et Canadien dans les séries. J'espérais les voir là. Et pourquoi? Moi, je pense que Canadien, comme organisation, sait comment gagner. Dans le cas de Toronto, ils ne savent pas encore gagner. Ils sont rendus dans les séries, ils ne sont pas capables de gagner la première série, et depuis 1979, ils ne font pas grand-chose. Ouais. Et c'est pour ça que je suis confiant de voir le Canadien passer à travers. Okay. L'expérience de ces joueurs-là qui ont déjà gagné. À Toronto, on n'a pas ces joueurs-là. On a encore un jeune groupe de joueurs qui ne savent pas comment gagner. Il y a beaucoup de pression à Toronto, hein, actuellement. Là. Les Canadiens n'ont pas de pression non plus. Là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur les Leafs actuellement. Ben, dans le cas des Leafs, la pression, c'est que si tu ne passes pas, te rendre en finale de ta division, ouais. Je pense que c'est la fin pour tout le monde. On ne s'attend pas qu'il y ait la première série. On s'attend qu'il se rende à la finale. Okay. Alors, ça va être intéressant à voir. Là. Et je ne parle pas de la finale de la Coupe cette année, la finale de leur association, soit avec les équipes américaines, des équipes canadiennes. Okay. Sinon, je pense que ça va sauter beaucoup à Toronto. Ben, c'est clair, parce qu'écoute, il y a quand même pas mal de pression. Roger, comment tu as trouvé la saison du Canadien? C'est une saison bizarre. C'est une saison que moi, je suis quand même déçu. Le pire, c'est qu'on peut pas blâmer Marc Bergevin. Tu sais, c'est quand même une saison décevante. Il n'aurait pas fait les séries s'il aurait été dans une division dans le style normal, là, d'une saison normale, comme on pourrait dire. Là. Mais dans une saison normale, il aurait fait les séries pareil. Là. Ils ont fait les séries. Là. On peut pas dire que c'est une saison normale. Non, mais je veux dire que les équipes de l'Ouest, l'équipe Tampa Bay, Pittsburgh, Washington. Je comprends. Ouais, disons que c'est pas du tout la même chose qu'on connaissait dans le passé. Mais sauf dans le système qu'ils avaient, ils ont fait. Et quand les gens me disent qu'ils ont rentré par la porte par en arrière, je regrette. Le match nul contre Edmonton, ils sont trouvés à 11 points avant Calgary. Si c'est ça que tu appelles une porte en arrière, je ne vais pas te faire de la peine, mais elle est grande la porte. Ouais. Ça va dépendre de que tu oublies. Faut pas que tu oublies pendant la saison les blessures aux joueurs clés. Dans le dernier mois, ça fait mal. Mm. Et comme tu mentionnes, Carey Price, et comme toutes les équipes qui gagnent une Coupe Stanley, l'équipe qui avance dans les séries, son gardien de but doit être bon. Mm. L'année passée, le Canadien a perdu contre Flyers. Pourquoi? Le gardien de but des Flyers était pitoyable. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est là que ça va se passer. Les meilleurs joueurs doivent être les meilleurs. C'est comme dans n'importe quoi. Là. Oui, et surtout ton gardien de but. Ouais, effectivement. Roger, je veux te parler maintenant de ce qui se passe à Oakland. Est-ce que tu crois vraiment que les A's vont déménager? Moi, je pense que c'est encore pour mettre de la pression. Tu sais, on commence à en avoir vu dans le passé. Là, Oui, mais si tu regardes la pression à Oakland, ça n'a jamais marché. Les Raiders ont fait une pression sur la ville, ils ont déménagé. Les Warriors ont fait une pression sur la ville, ils ont déménagé. Ouais. Alors, c'est pas une ville qui va se laisser abattre par la pression. Ça, non. Ils sont mieux de se trouver un nouveau plan d'affaires parce que la ville d'Oakland ne pliera pas. Okay. Elle ne l'a pas fait avec les deux autres équipes. Oui, c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Tu penses qu'ils vont réussir à régler le contenu également qu'Oakland? Les Raiders ont déménagé, tu l'as dit, les Warriors également. Il reste vraiment juste au club. Les A's, c'est une histoire dans le baseball. Là. C'est une équipe qui est historique. Ah, les A's, c'est une histoire qui monte au tout début. Ça a commencé avec les A's de Philadelphie, avec Connie Mack. Ouais. Et si tu regardes tout ça qui est arrivé avec ça, Jimmy Fox avec 2X, un des plus grands frappeurs de puissance, on s'est trouvé à Kansas City. Charlie O'Finley a déménagé à Oakland. C'est une franchise qui date de loin, sans aucun doute de loin. Ouais. Roger, merci beaucoup. Je te laisse aller. Je crois qu'ils vont déménager, mais Portland est le meilleur choix et Vegas, équipe d'expansion. Parce que compte tenu de l'Ouest, j'imagine, à cause de ça, je pense que c'est l'Ouest qui va, tu vas déménager dans l'Ouest. Sans aucun doute, ton point, c'est la réalité. Tu ne peux pas les emmener dans l'Est. Il faut qu'ils demeurent dans l'Ouest. OK. Roger, on s'en parle la semaine prochaine. Bye-bye, Danny. Roger Brulotte qui nous parlait du Canadien.